Chapitre 10. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Deuxième partie. Si rien de ce dont nous avons parlé dans le chapitre précédent ne peut faire d'une personne un chrétien, qu'est-ce qui le peut ? La réponse est étonnante. Je pense que la meilleure façon de vous l'expliquer est de vous présenter un paragraphe très important de la lettre de Paul aux Éphésiens. Quant à vous, vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés. Comme les autres, nous étions par nature des objets de colère. Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus vivants avec Christ alors même que nous étions morts dans nos transgressions. Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce, exprimée dans sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 1 à 9, légèrement abrégé. La mauvaise nouvelle, ce que nous sommes avant de devenir chrétiens. Paul dit qu'avant de devenir chrétiens, nous sommes morts dans nos transgressions et nos péchés. Bien sûr, il ne veut pas dire littéralement « mort », mais tout comme un cadavre ne peut rien faire pour s'aider lui-même, nous sommes impuissants sous le jugement de Dieu, objet de la colère, comme il le dit. Nous avons donc désespérément besoin d'être sauvés. La bonne nouvelle, ce que Dieu fait pour un chrétien. Dieu nous a fourni le salut dont nous avons besoin pour sortir de cette situation déprimante grâce à la mort et à la résurrection du Christ. Paul dit qu'un chrétien est une personne en qui Dieu a littéralement accompli un miracle. D'une manière mystérieuse qu'il n'explique pas vraiment ici, nous sommes spirituellement unis à Jésus et rendu vivant avec lui. En conséquence, au lieu d'être jugés, nous sommes libérés du fardeau de la condamnation et recevons à la place les richesses incomparables de la grâce de Dieu. Je peux vous dire, mes chères filles, d'après ma propre expérience, à quel point ce salut divin est merveilleux. La libération du cœur, le soulagement de la culpabilité, le sentiment d'échapper à l'esclavage désespéré à une nature pécheresse, l'espoir joyeux qu'un jour je serai avec Dieu au ciel. Tout cela et bien plus encore a balayé ma vie comme un vent de changement irrésistible lorsque j'ai découvert pour la première fois ce que signifiait appeler Jésus mon Sauveur. Imaginez un instant, quelqu'un qui a commis un crime capital et qui a été condamné à mort. Imaginez-le vivant dans le couloir de la mort, attendant avec crainte le jour inévitable de son exécution. Imaginez maintenant la transformation qui s'opère lorsque, de manière tout à fait inattendue, le juge entend un nouvel argument juridique qui lui permet d'accorder une grâce totale. La peine de mort est annulée et le prisonnier est libéré sans aucune tache sur son caractère. C'est ce que j'ai ressenti. Vous vous demandez comment Dieu, le juge, a pu conserver sa propre justice tout en pardonnant à un pécheur qui s'est confessé comme moi. C'est Jésus qui a rendu cela possible par sa mort sur la croix. Il a fourni le nouvel argument juridique en mourant à notre place. Vous souvenez-vous que j'ai expliqué cela au chapitre 6. Revenez-y si vous l'avez oublié, car c'est vraiment important. Jésus a pris sur lui la peine de mort pour nos péchés. Et grâce à son extraordinaire substitution, un Dieu juste peut déclarer les pécheurs innocents et les ressusciter de la mort pour leur donner une vie nouvelle. Voici comment Paul l'exprime dans un autre passage clé. Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ, ne tenant pas compte des péchés des hommes. Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché un péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 19, 21. Pourquoi le fait-il ? Un tel sauvetage témoigne d'une extraordinaire générosité divine, ou, pour reprendre les termes de Paul dans ce passage d'Éphésiens, d'une « grâce, nous méritons l'enfer, mais on nous promet le paradis ». Si nous demandons « pourquoi Dieu est-il si généreux envers moi ?», la réponse de Paul tient à nouveau en un seul mot. À cause de son grand amour pour nous. L'une des histoires les plus célèbres racontées par Jésus illustre de manière frappante cette grâce et cet amour divin remarquable. Il raconte, dans une parabole du fils perdu, l'histoire d'un père qui avait un fils rebelle. Le jeune homme, en question, était impatient et insatisfait. Il disait « Je ne veux pas rester à la maison familiale jusqu'à ta mort. Papa, donne-moi mon héritage maintenant, tant que je suis encore assez jeune pour en profiter. » Et, étonnamment, le père fit ce qu'il demandait. Sur quoi le garçon quitta la maison et gaspilla tout l'argent qu'il avait reçu dans des fêtes débridées dans un pays lointain. Jésus dit qu'à la fin, le garçon, réduit à nourrir des porcs pour gagner sa vie, reprit ses esprits. « Quel idiot j'ai été !» se dit-il. « Les serviteurs de mon père sont mieux lotis que moi. Je vais rentrer chez moi et lui demander pardon. Je lui demanderai de me traiter comme un serviteur. C'est tout ce que je mérite. » La suite de l'histoire est si belle que je me dois de la citer telle qu'elle est rapportée dans la Bible. Il se leva et alla vers son père. Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut pris de compassion pour lui. Il courut vers son fils, le serra dans ses bras et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Faisons la fête et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Luc 15, 20 à 24. Malheureusement, même un cadeau offert gratuitement par une grâce et un amour aussi merveilleux peut être refusé. Et dans une fin surprenante à son histoire, Jésus illustre cette sombre possibilité en nous parlant du frère aîné du jeune homme, Luc 15, 25, 31. Contrairement à son jeune frère, ce frère était resté à la maison, travaillant fidèlement dans la ferme familiale. Quand il a vu à quel point son père était prêt à se montrer généreux envers son frère rebelle, il s'est mis en colère, se plaignant amèrement de n'avoir jamais eu droit à un festin de célébration comme celui-ci. Bouillant d'indignation et d'envie, il a refusé avec hauteur l'invitation de son père à se joindre à la fête. Jésus confirme ainsi le point que j'ai soulevé au chapitre 9. Un chrétien n'est pas seulement une bonne personne, car aucun d'entre nous ne peut jamais être assez bon. Si nous nous vantons de l'être, nous détruisons immédiatement notre soi-disant bonté par notre arrogance et notre auto-satisfaction, comme l'a fait le frère aîné irréprochable. L'orgueil a peut-être maintenu le jeune frère dans sa porcherie d'eux, mais il a trouvé l'humilité nécessaire pour se repentir et a été accueilli à une fête qu'il savait ne pas mériter. Son frère, en revanche, estimait avoir mérité sa place, affirmant refuser l'invitation de son père et a fini par manquer complètement la fête. Comme quelqu'un l'a dit, l'orgueil est l'imperméable que la rosée de la grâce ne peut pénétrer. Comment nous la recevons? Alors, comment pouvons-nous recevoir le pardon et la réconciliation gracieuse de Dieu? Une fois encore, la réponse de Paul tient en un seul mot. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Les gens comprennent parfois mal le message de la Bible à ce sujet, car ils considèrent la foi comme une sorte de substitut aux bonnes œuvres. Ils interprètent les paroles de Paul comme signifiant que, puisque nous ne pouvons pas respecter parfaitement les règles morales de Dieu, celui-ci a abaissé la barre et dit qu'il suffit simplement de croire. Paul se donne ici beaucoup de mal pour montrer clairement qu'une telle idée est complètement fausse. La foi est tout le contraire d'une bonne action humaine, car elle consiste à reconnaître que nous n'avons aucune bonne action à offrir. La foi n'est pas une source de fierté. Tout mérite, toute fierté et toute vantardise sont exclus, dit-il, car du début à la fin, ce sauvetage miraculeux est entièrement l'œuvre de Dieu, et non la nôtre. Qu'est-ce que la foi alors? Juste une paire de mains vides, c'est tout. Une paire de mains vides qui, dans un aveu d'impuissance et d'indignité, reçoit avec gratitude ce que Dieu a fait. Comme le Fils perdu, Dieu le Père attend simplement que nous reconnaissions nos péchés et que nous nous tournions vers lui. Il court à la rencontre de toute personne dans cette situation et place dans leurs mains vides de la foi et toutes les bénédictions d'être à nouveau son enfant bien-aimé amour est le seul mot dont nous disposons pour décrire une telle miséricorde et une telle bonté imméritée.